Salut la famille Bisseuil. Enfin vendredi, on se dirige ensemble vers le week-end. Donc tu commences à relâcher prise avec trois titres pop-rock irrésistibles que je suis sûr tu as déjà entendu. Ambiance festive garantie pour démarrer la journée avant le week-end du bon pied. Ou pour démarrer le week-end si tu as la chance d'être en week-end le jeudi soir, ça peut arriver. Et donc on commence électroniquement avec un tube véritablement mondial, les Daft Punk vous réveillent avec One More Time, du son à faire danser tout le quartier et je suis sûr que tu vas bouger la tête en écoutant ce morceau, je te le passe tout de suite. One more time. You just got me feeling so free. We're Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce morceau One More Time des Daft Punk est sorti en 2000, donc ça fait 26 ans. On peut croire que le morceau est plus récent, mais non, ça fait bien 26 ans qu'il est sorti et ce morceau de l'album Discovery a été un hit dance planétaire, numéro 1 au UK Dance, hein, c'est un classement du Royaume-Uni, numéro 2 en France. Et fait amusant, la voix robotique est celle du chanteur house Roman Tony qui utilise un vocodeur très prononcé. Et maintenant, pour la minute curiosité, on va s'intéresser à Mr. Brightside, un célèbre morceau que je te passe dans quelques minutes. Et ce morceau, donc Mr. Brightside, détient un record fou. Il est resté 5 ans, oui, 5 ans, dans le top 100 britannique sans interruption. 5 ans, certains morceaux restent une semaine ou deux. Lui, c'est 5 ans. Voilà, une semaine ou deux, il se disait « Oh, c'est un peu court ». Donc, il s'est dit « Tiens, je vais rester 5 ans dans le top 100 britannique sans interruption ». Et depuis sa sortie en 2003, il ressurgit en permanence dans les charts du Royaume-Uni. C'est un véritable phénomène de longévité et je suis sûr que tu l'as déjà entendu. Mais si ce n'est pas le cas, ce qui m'étonnerait beaucoup, je te le passe dans quelques minutes. Donc, un petit peu de patience, ça arrive. Avant de te passer ce morceau, intéressons-nous d'abord à du pop rock énergique. Imagine Dragons avec leur hit Believer, parfait pour clore la semaine en plein tonus. Ne me dis pas que tu n'as jamais entendu ce morceau, je ne te croirais pas. Ou si véritablement tu ne l'as jamais entendu, eh bien là tu pourras dire j'y étais les gars, je l'ai entendu sur Bizoy. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh. I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings they would drown, but they never did. Ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down. It rained down like. And the flames, you're the face of the future, the blood in my veins. Oh, ooh, the blood. veins, oh ooh. But they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up and it rained down like... Écrit dans le désert du Nevada et sorti en 2007, ce titre mélange guitare rock et chœur puissant. Il est devenu un tube de motivation utilisé dans de nombreuses pubs sportives. Dan Reynolds, le chanteur du groupe Imagine Dragons, y crie sa frustration pour en faire une force positive. Et si tu as déjà vu le clip de ce morceau, tu as certainement reconnu le célèbre acteur suédois Dolph Lundgren dans ce match de boxe face à Dan Reynolds. Dolph Lundgren, entre autres, célèbre acteur qui joue surtout dans des films d'action. Il a joué notamment dans un des films Rocky face à Sylvester Stallone, dans lequel il incarnait le russe. Les bons plans locaux maintenant, un petit peu de théâtre, mais en version ballet, hein, puisque ce soir à 19h30, hein, donc ce 17 avril, ce soir, retrouve une représentation unique de la célèbre pièce Roméo et Juliette, mais version ballet, B-A-2-L-E-T, hein, pas le ballet pour faire le ménage, hein, ballet, la danse. Ça se passe à l'Opéra Bastille de Paris, dans le 12e arrondissement, et pour te donner une idée du pitch, composé par Sergueï Prokofiev, chorégraphie de Rudolf Nouriev, et dirigé par Robert Houssard, avec les étoiles, les premières danseuses, les premiers danseurs et le corps de ballet de l'Opéra National de Paris. Cette représentation retracera à sa sauce la célèbre pièce de William Shakespeare. Et encore une pièce de théâtre, hein, toujours sur les planches, retrouve un spectacle intitulé « C'est beau l'amour, mais ça part toujours en couille » de Julie et Julianne Amar, ou Julian Amar. Ça se passe à la Comédie Number One dans le 1er arrondissement de Paris, toujours. Le pitch, je vais te lire le résumé pour te donner une idée, se promet d'être une pièce, ma foi, fort sympathique à aller voir. Pupus et Minou doivent fêter leurs 10 ans de mariage ce soir, sauf que c'est ce jour-là qu'ils ont choisi pour signer les papiers de leur divorce. Mais le temps d'une soirée, pour ne pas décevoir leurs amis, qui leur ont réservé une fête surprise, ils vont faire comme si tout allait bien, alors que rien ne va. Une soirée mouvementée, alcoolisée, toujours avec modération, ça c'est moi qui l'ajoute, et dans laquelle ils vont se faire la misère. C'est une véritable saga familiale et théâtrale que celle des Aymar, alors que rien ne les prédestinait à jouer la comédie. Julie et Julian Aymar sont rapidement devenus des incontournables de la comédie de boulevard. Après la comédie du 11e, ils occupent désormais la comédie Number One, installée dans les anciens locaux du théâtre des Déchargeurs, à proximité des Halles. Ce soir, il y a deux séances, une à 20h et une à 21h30, et si tu ne peux pas t'y rendre aujourd'hui, je t'invite à consulter les autres dates sur ton moteur de recherche préféré. Au début de ce morning, je te parlais de Mr. Brightside, des Killers, et c'est ce que je vais te passer tout de suite, hein, en clôture, gros riff accrocheur avec Mr. Brightside, des Killers. Voilà, je te l'ai dit à peu près 36 fois depuis le début de ce morning, c'est la chanson la plus playlistée des années 2000, c'est un vrai hymne des soirées. Et je te le passe tout de suite, donc je pense que même si ce morceau est sorti en 2003, et vu qu'il est resté pendant 5 ans en haut du classement du Royaume-Uni, je suis sûr que tu l'as déjà entendu. Now he takes off her dress. Now inspiré d'une vraie histoire de jalousie de Brandon Flowers, le chanteur et principal parolier du groupe, ce tube post-punk est demeuré populaire. Il a le record Guinness de temps passé dans le top 100 UK, le top 100 du Royaume-Uni, avec plus de 400 semaines. Donc là, pour cette info, j'ai trouvé une nouvelle donnée, soit plus de 7 ans. Oui, oui, voilà, pourquoi pas, hein, 5 ans, c'était pas suffisant. Même 20 ans après, vu que ceci serait sorti en 2003, il reste un incontournable des playlists. Et avant de se quitter, c'est l'heure de l'horoscope Bisoy. Ce vendredi, c'est la fin de la semaine, donc on relâche un peu. Bélier, tu finis la semaine en mode feu, ça tombe bien, c'est l'élément de ton signe astro. Taureau, plaisir, plus contrôle, égale bon combo. Gémeaux, légèreté et fun sont au programme. Cancer, tu te laisses porter et ça fait du bien. Lion, tu embarques tout le monde avec toi. Vierge, tu peux lâcher un peu, c'est ok. Balance, bonne ambiance garantie aujourd'hui. Scorpion, intensité, même en mode chill, si tu vois ce que je veux dire. Sagittaire, ça sent la sortie aujourd'hui, non? Capricorne, t'as bossé toute la semaine, maintenant respire un peu. Verseau, une impro peut tout changer. Poisson, vibe positive tout autour de toi. C'était ton réveil fête sur Bisoy, merci d'avoir dansé avec nous. On se retrouve demain pour un nouveau Morning Bisoy, car oui, oui, hein, t'as bien entendu, j'ai bien dit demain, car même le week-end, on est là pour toi. Et surtout, garde bien en tête ce seul slogan, Bisoy, sois, sens, vibre, be, feel, vibrate. Car Bisoy, c'est le son qui bouscule les codes. Salut et à demain.